3 avril 2017, mon nom est Louis Martinguet et bienvenue à ce premier épisode de Bass Time. Premier épisode de Bass Time, un podcast qui s'adresse à ceux qui aiment l'histoire du baseball et qui sont intéressés à en savoir un peu plus. Lors de ces mini-épisodes, qui sont un peu, je dirais, le petit cousin de Basecall, eh bien, vous aurez l'occasion d'entendre certains collaborateurs, dont principalement Mathieu Boivin, quelqu'un qui a étudié longuement l'histoire du baseball et surtout ses joueurs. On le retrouvera à chaque fois, et puis il pourra nous parler des joueurs marquants qui ont marqué le baseball à leur époque. Ce sera aussi l'occasion de parler d'histoire des stades, des villes qui ont accueilli des franchises et bien sûr de nombreux records historiques. Nous allons tout d'abord vous présenter une série dans laquelle nous allons passer à travers toutes les franchises qui ont existé dans l'histoire du baseball, dans l'histoire des ligues majeures, et nous allons le faire en ordre alphabétique. En commençant par les Diamondbacks de l'Arizona, une toute jeune franchise qui a vu le jour en 1998 pour la première saison et qui a rapidement présenté une fiche gagnante dès sa deuxième saison. Ils ont réussi à amasser pas moins de 100 victoires, ce qui leur a permis 2 ans plus tard, en 2011, de remporter leur première série mondiale après seulement 4 ans d'existence. On aura l'occasion dans quelques instants de parler des plus grands joueurs qui ont marqué cette franchise et aussi des joueurs un peu plus obscurs qui ont eu malgré tout un impact important à certains moments lors de leur première saison jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je vais tout de suite vous présenter mon collaborateur. On va aller le rejoindre par appel puisque c'est un amateur de baseball de la ville de Québec dans la vieille capitale. Et je m'excuse malheureusement dès le départ pour la qualité de la bande audio puisque évidemment ici ce sera mono. Alors, on y va tout de suite avec Mathieu Boivin. Mathieu Boivin, bonjour. Allô, Martin. Alors, Mathieu, je suis très content de t'avoir avec moi pour justement faire ces petites capsules historiques-là. Tu connais bien l'histoire des équipes. Tu as vraiment étudié beaucoup aussi tous les joueurs qui sont passés dans les différentes organisations depuis presque le début du siècle dernier. Je pense que tu n'auras aucun problème à m'assister et puis à nous donner un peu toute ta vision de chacune des équipes par lesquelles on va passer. Aujourd'hui, les Diamondbacks, par ordre alphabétique, on commence. Alors, c'est une histoire assez courte. Mais quand même, dans l'histoire, il y a des joueurs qui ont réussi à marquer cette formation-là. Ben, c'est sûr que c'est une équipe qui est une équipe championne quand même, qui ont réussi à avoir des résultats assez intéressants dans les premières années après l'expansion. Quand on regarde les autres équipes d'expansion en même temps que les Diamondbacks, qui n'ont pas eu des succès immédiats comme eux. Oui, c'est ça. Ben, peut-être que les Marlins ont réussi quand même à aller chercher leur série mondiale. Oui, en 97, c'est vrai, les Marlins ont eu vraiment du succès quand même assez. Et 2 séries mondiales, je pense, pour les Marlins, une oui. Pour les Diamondbacks. Et puis, ça a commencé rapidement, tout ça pour l'expansion, avec l'acquisition de plusieurs joueurs importants, mais surtout 3 qui ont marqué, c'est-à-dire le premier, Randy Johnson, la signature de Randy Johnson. Ça, c'est majeur dans l'histoire des Diamondbacks. C'est peut-être le plus grand lanceur gaucher de l'histoire du baseball majeur. En tout cas, peut-être probablement un des plus dominants. C'est sûr que c'est la pièce maîtresse de la conquête de la série mondiale. Comme on dit, un big game pitcher, c'est le lanceur que tu veux avoir pour des matchs importants. Mais c'est sûr qu'aussi le tandem Randy Johnson et Curt Schilling. Oui. Et puis Curt Schilling est un petit peu plus dans l'ombre. C'est sûr que je pense pas que Curt Schilling va se rendre jusqu'au temple de la renommée. Il n'aura pas un parcours aussi fulgurant que Randy Johnson l'a eu. Mais la combinaison, le tandem, les deux ont été extrêmement dominants pendant la série mondiale. Ben en fait, tout le temps que Curt Schilling a lancé aussi avec les Diamondbacks, il a été extrêmement dominant. Peut-être pas avec le même répertoire de lancers, puis peut-être pas avec des lancers aussi difficiles à frapper que Randy Johnson, mais quand même, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Randy Johnson, Curt Schilling et le troisième. Ben, le troisième, le premier gros frappeur. On n'oubliera pas évidemment les belles acquisitions comme Matt Williams, Mark Grace qui sont venus vraiment solidifier cette équipe-là. Mais le premier grand frappeur des Diamondbacks, un joueur qui était pourtant médiocre pendant toutes ces années précédentes, Luis Gonzalez, qui arrive dès la deuxième année de l'équipe puis qui change un peu tout pour le bâton. On a rarement vu un joueur un joueur frapper, s'approcher du 200 coups sûrs, faire 50 circuits, frapper au-dessus de 300 sans but sur balle, de vraiment été le quatrième frappeur, un des quatrièmes frappeurs les plus importants pendant cette période-là. Puis c'est sûr que pour les Diamondbacks, il y a le coup sûr, le fameux coup sûr qu'on voit toujours pour gagner la Série mondiale. Là, Ben oui, le blooper au champ centre. Ouais, le blooper au champ centre qu'on voit toujours, qui est la balle qui avait des yeux. Mais tout le long de sa carrière, tout le temps qu'il a été avec les Diamondbacks, il a été extrêmement dominant. Ça a été parti après Sammy Sosa et Mark McGwire. On pourrait dire que c'est peut-être un des joueurs qui était le plus dominant pendant cette période-là. Comment est-ce qu'on pourrait, bon sang, jeter, comment on peut quand même voir cette transformation extraordinaire de Luis Gonzalez à l'arrivée en Arizona? Parce qu'il faut considérer qu'il avait déjà joué 9 saisons. Des saisons dans lesquelles il avait passé pas mal d'inaperçus. Et là, tout à coup, il a complètement explosé en presque doublant la grande majorité de ses statistiques. Ben, c'est pas compliqué, hein. Quand il était avec Houston, c'était un gars qui s'approchait du 750-800 d'OPS, puis il est devenu, quand il est arrivé avec les Diamondbacks, c'est devenu un gars qui 900 en montant d'OPS. Des fois, quand on voit une anomalie statistique comme ça, une des explications souvent qui revient, c'est le stade où le frappeur évolue. On se rappelle, Martin, tu te rappelles de l'Astrodome qu'on appelait entre nous l'Atroce Dôme, qui était places les plus difficiles à frapper un circuit. Oui, c'est personne, on est d'accord là-dessus. C'est difficile. Fait que, des fois, on pourrait peut-être se dire, passer de 10 circuits à 25 circuits, ben peut-être que le stat, ça peut être une explication. Passer de 15 circuits à 57, oui, là, on commence. Ça prend un petit peu plus d'aide que le stat. Je pense que, surtout à l'âge, à 33 ans, connaître la meilleure saison de sa carrière, alors que ball, ben à peu près dans tous les sports, on connaît que les athlètes professionnels, on sait que normalement, la saison, leur apogée, c'est autour de 26, 27 ans, 28 ans. Puis normalement, à partir de 30, 31, il y a un déclin qui s'opère. Mais là, qu'on voit Luis Gonzalez, lui, c'est complètement le contraire. On dirait qu'à partir de 31 ans, il est devenu une super vedette, devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ben, c'est en fond, José Bautista de l'époque. Oui, c'est exactement José Bautista de l'époque. Mais même chose pour José Bautista, il y a aussi le facteur, le stade, qui le fait qu'il passe c'était à Pittsburgh qui était José Bautista, puis de s'en aller justement dans le Sky Dome, qui est un stade qui est propice à la longue balle, disons. Oui. Mais c'est sûr que quand on a une grosse différence comme ça, là, on passe de 15 circuits à 40 circuits. Moi, je pense qu'il y a d'autres explications que le stade. Je sais pas si il a découvert qu'il a changé quelque chose dans son élan. Oui, disons qu'il est allé prendre des conseils chez Mark McGwire ou les autres de l'époque là, qui étaient les gros frappeurs de circuit, au tournant du siècle dernier, finalement. Disons que moi, dès que je vois une anomalie statistique dans les années 2000, c'est l'explication que j'ai la plupart du temps. Même dans les années 90 aussi. Oui, au début des années 90 et les années 2000. D'ailleurs, les joueurs avec les Diamondbacks, il y a beaucoup de joueurs qui, à partir de 31, 32, 33 ans, sont commencés à avoir des statistiques, devenir des super vedettes. Je me rappelle entre autres de Jay Bell, oui, qui était un joueur. Oui, Jay Bell. Très bon joueur, mais qui est venu frapper 38 circuits, je pense, à 34 ans ou 35 ans avec les Diamondbacks. Puis c'était une saison extraordinaire pour un joueur de c'est un joueur d'arrêt court, Jay Bell. Oui. Et il y a des joueurs qui, malheureusement, dans certains cas, sont un peu devenus des flops là, en arrivant là-bas ou en quittant. Ils ont quitté avec des très, très bonnes statistiques, sont allés ailleurs et puis on les a pas beaucoup revus. Et où sont arrivés avec les Diamondbacks, et puis là, à ce moment-là, ils ont explosé. Des joueurs importants dans l'histoire des Diamondbacks, il y en a un, entre autres, qui a servi comme appât pour aller chercher le Curt Schilling dont tu parlais tout à l'heure, sans dire que c'est dans les anomalies de l'histoire d'équipe, c'est quand même assez particulier, c'était Travis Lee. Oui. Qui a joué beaucoup, quand même, avec les Diamondbacks au début, mais qui avait vraiment été l'appât numéro un pour aller chercher Curt Schilling. Mais c'est dans le fond, c'est pour ça qu'on en parle comme un joueur important dans l'histoire des Diamondbacks. C'est pas un joueur qui a joué énormément ou qui a été qui a eu d'excellentes performances, mais disons que c'était un joueur qui avait un gros hype autour de lui. Tout le monde l'attendait, puis les Diamondbacks en ont servi justement pour aller chercher Curt Schilling, puis c'était probablement la pièce maîtresse. Ce qui manquait dans le fond pour devenir champion, pour avoir vraiment une rotation solide. Puis souvent, On s'entend que les joueurs de premier but, pas mal dans toutes les organisations, souvent ont quand même assez de profondeur. Fait qu'un gars comme Travis Lee, qui avait une très bonne valeur marchande, mais qui était quand même assez facilement remplaçable à l'intérieur de l'organisation, ben, c'est quand même un très bon coup. On réussit à aller chercher un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Oui, et puis Mark Grace aussi s'est amené. Puis à ce moment-là, ça a solidifié la position. On avait plus de... En tout cas, on pouvait s'attendre plus facilement aux performances. Donc, ça a vraiment aidé. Et puis après ça, par exemple, on s'est promené. On a vu des gens comme Lyle Overbay, Jalen Brand. Connor Jackson. Je ne sais pas si tu te rappelles Connor Jackson aussi. Ouais. Et puis Tony Clark qui est venu faire une saison assez particulière, à la limite de l'exceptionnel. Et il est reparti avec cette saison-là sous le bras. Et puis finalement, on n'a jamais vu... Tony Clark exhibé cette puissance-là par la suite. Il a vraiment fait une saison, je crois, de 30 quelques circuits en 300 apparitions au bâton. Là, c'est assez majeur. Je pense qu'il détient, si ce n'est pas le meilleur OPS, le deuxième meilleur OPS de l'histoire de l'équipe en 2005. C'est une anecdote assez drôle. Il y avait Greg Zahn qui a joué avec... Je jouais avec Tony Clark pendant quelques saisons, puis Greg Zahn, qui est analyste pour les Blue Jays de Toronto, puis qui avait dit que quand Tony Clark est arrivé avec les Diamondbacks, il avait dit, écoute, la Ligue nationale, c'est comme les Ligues 3A. J'ai jamais été aussi bon frappeur qu'avec les Diamondbacks, mais finalement, ça s'est transformé en plus en cauchemar que d'autres choses, parce qu'il n'a pas connu le reste de sa carrière, ça n'a pas été très, très... Troisième moment un peu particulier dans l'histoire des Diamondbacks, évidemment, il y a eu cette période très, très récente qui s'est terminée l'an dernier, où Tony La Russa et puis Dave Stewart ont pris les rênes de cette équipe-là. Et l'ont malheureusement pas très bien fait. Je dirais même que c'est probablement un des moments les moins efficaces dans leur histoire. Et ils sont allés donner, ou presque, là, un cadeau extraordinaire aux Braves d'Atlanta l'an passé dans un échange qui a envoyé Shelby Miller, qui avait connu un très bonne première saison avec les Braves, malgré tout, contre un gars superbe, un voltigeur, inserté. Et aussi le premier choix de l'encamp précédent, Dansby Swanson, les deux joueurs qui sont maintenant vus comme des piliers déjà pour les Braves d'Atlanta. Ben, en fait, si on enlève le premier choix, si on enlève Dansby Swanson, il aurait quand même déjà un bon échange pour les Braves d'Atlanta. On se retrouve avec un joueur régulier, un gars qui est capable de jouer au champ ensemble. Ender Ancierté, moi je crois vraiment que c'est capable d'aller chez... Il va avoir probablement quelques gants dorés à la fin de sa carrière. Ben, il a déjà gagné l'an passé. Oui, il y en a déjà un. C'est un bras canon, puis il prend des bonnes décisions dans le champ. C'est un joueur qui se blesse un petit peu là au début de sa carrière. C'est un joueur qui joue peut-être un petit peu trop, qui est peut-être un petit peu trop dur pour son physique. Il va peut-être apprendre justement à se garder un peu plus d'énergie pour pas trop se blesser. Moi, ça fait 3 ans que je regarde ce joueur-là jouer. Je me dis c'est un joueur régulier, c'est un vrai bon champ. Il est capable de jouer dans droite aussi, mais il est beaucoup plus efficace au centre. Puis comme je t'en avais parlé plusieurs fois, c'est pas un gars qui l'a facile. Et chaque coup sûr, c'est faut que ça soit une flèche, c'est bien frappé. Exactement, tout à fait. C'est travaillé, puis c'est un type de... C'est le genre de joueur que tu veux avoir dans ton équipe. Puis c'est le genre de gars, même s'il n'y a pas énormément de buts sur balle, c'est le genre de gars que tu veux avoir comme premier frappeur, parce que justement, il y a une hargne, qui travaille à chaque apparition, il n'a jamais lancé, il travaille pas. C'est une inspiration pour les coéquipiers aussi, puis c'est quelqu'un qui, pour les prochaines années, je crois que les Braves vont signer à long terme de toute façon ce bonhomme-là, il voit un superbe avenir. Bon, puis son manque de puissance est clairement, je dirais, effacé par toute l'intensité qu'il met sur le terrain, autant défensif que sur les buts. C'est vraiment un superbe joueur. Et d'autre côté, Shelby Miller, ça n'a pas semblé bien fonctionner avec les Diamondbacks, comme tous les lanceurs partants ou presque de l'équipe l'an passé. Et c'est ça, on s'était déjà parlé, tu m'expliquais que les Diamondbacks ont été la dernière équipe vraiment à emboîter le pas sur les statistiques avancées. Puis vraiment, le positionnement défensif, leur défensif, pardon, c'est probablement la dernière équipe qui résistait au positionnement systématique lié aux statistiques avancées. Et je pense pas que ça a vraiment aidé les lanceurs, en tout cas depuis quelques années là-bas. Non, parce que c'est vrai. Écoute, je vois la qualité des lanceurs avec les Diamondbacks. Ils ont quand même trois bons partants, je pense, là, trois bons lanceurs partants. Ben, on pourrait presque exagérer en disant qu'ils ont cinq bons partants dans l'optique où Shelby Miller et Tajuan Walker ont vraiment en eux un potentiel évident qui s'est pas encore très bien développé. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables de belles choses. Et évidemment, quand on ajoute Zach Greinke à tout ça, Robbie Ray et Patrick Corbin, qui sont, je dirais, des connus, des gens connus chez Diamondbacks, on pourrait s'attendre à une très bonne rotation. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment Robbie Ray, quelle performance va nous offrir cette année, si c'est le Robbie Ray des bons jours ou je dirais des bons jours. En fait, ses performances sont souvent divisées. C'est dans le même match que ses performances deviennent différentes, parce qu'il dit pendant 3-4 manches, c'est le meilleur lanceur des majeurs, puis les deux manches suivantes, il n'est pas capable de toucher la cible. J'ai hâte de voir comment Robbie Ray, s'il est capable de devenir le lanceur dominant avec tout le talent qu'il a, de prendre justement peut-être la place, enlever de la pression à Zach Greinke, qui, moi, je pense que l'année passée, c'est un gars qui a des certains problèmes d'anxiété, puis le fait justement d'être le lanceur partant numéro un, toute la pression du contrat, je pense que ça l'a pas aidé Zach Greinke. Quand il était à Los Angeles, avec Clayton Kershaw, qui était le lanceur numéro un, puis qui prenait beaucoup de pression, c'était ton cheval de course, c'était Clayton Kershaw, fait que ça enlevait un petit peu de pression à Zach Greinke. Fait que j'espère que Robbie Ray va devenir le lanceur, en tout cas qui va s'accomplir en tant qu'un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Ça va donner une chance à Zach Greinke, puis au reste de la rotation aussi. Puis c'est sûr, ça dans le fond, justement, on regarde l'édition actuelle, et puis, bon, on se demande est-ce qu'elle va réussir à performer à la hauteur du talent de chacun de ses membres. C'est vraiment la grande question. Et il y a quelques faiblesses, en tout cas, disons, dans l'édition actuelle. Qu'est-ce qu'on devrait remarquer en analysant ce que les Diamondbacks vont nous proposer cette année en 2017, d'après toi? Ben écoute, 2016, la relève était, c'est la pire relève que j'ai vue de toute ma vie. J'ai suivi beaucoup moi les releveurs, les closers pour justement, je voulais, il y avait deux lanceurs qui m'intéressaient, que je trouvais qui étaient quand même assez dominants. Il y avait un setup guy aussi qui était quand même assez bon, c'était Jake Barrett puis Burgess. Enrique Burgess, c'est ça. Enrique Burgess. Et Jake Barrett qui est encore là cette année, malheureusement là présentement il est ennuyé par des blessures, sauf qu'il devrait revenir en force cette année. Sauf qu'on est allé chercher Fernando Rodney. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Écoute, moi, Fernando Rodney, c'est souvent en deux temps. Il y a des saisons où il est extrêmement dominant. Comme il y a une saison, si je me souviens bien, que je pense qu'il y a une moyenne en bas de 0.60. Il est carrément intouchable. Même je pense pendant la classique mondiale, je pense qu'il a fait 7 sauvetages d'affilée sans donner un point. Mais c'est ça, une saison, une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne, une mauvaise saison. L'année passée, il a connu une saison moyenne, si je me souviens bien, les saves étaient là, les sauvetages étaient là, la moyenne était plus ou moins bonne, mais si je me souviens bien, le whip était atroce. Je pense qu'il y a eu un whip de 1.30. Oui, on était presque à 1.40. Oui, à 1.40 pendant une bonne partie de l'année. Donc, si on se fie à ses statistiques puis à son historique, on devrait peut-être s'attendre à une bonne saison cette année de Fernando Rodney. Mais à 40 ans, il ne faut peut-être pas attendre de miracle. On est sur la fin de toute façon de ce lanceur-là. Sinon, dans le reste du club, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de receveur solide, en tout cas pour toute la saison. Et il y a congestion aussi à l'avant-champ avec pléthore de joueurs de talent. Mais encore là, on ne sait pas exactement à chaque soir qui devrait jouer ou qui devrait rester sur le banc. Moi, j'ai encore de la misère à digérer la signature de Yasmani Thomas il y a trois ans, alors qu'on avait deux prospects qui étaient prêts à jouer dans les ligues majeures. On est allé engager Yasmani Thomas, on a dit c'est notre joueur de troisième but. Oui. Après deux semaines, l'État major s'est rendu compte que Yasmani Thomas ne pouvait pas jouer au troisième but, qui n'était pas de calibre du tout. Oui. Fait qu'on est comme, il était retourné dans les mineurs pour qu'il se finisse un peu son jeu en défensive. On a essayé de le faire jouer au champ. Troisième but. Et finalement, l'année passée, on a fini par avoir Jack Lamb, qui était un joueur, puis si je m'abuse, il est 26 ou 27 ans, Jack Lamb. Oui, il était 26 ans, exact. Qui est arrivé quand même tard. Ça faisait 2 ans que ce gars-là aurait pu jouer dans les majeurs. L'année passée, il a fait 29 circuits. Oui. À part de 30 circuits, puis 100 points produits, puis on est allé signer un joueur cubain, donc on n'était pas tout à fait sûr des capacités sur le terrain. Mais difficile. J'ai l'impression que ça a dû faire de la bisbille dans le club. Moi, ouais, difficile maintenant, par exemple, de retirer Thomas de l'alignement des frappeurs. Avec Lamb et Thomas, maintenant, on a deux frappeurs légitimes de, disons, autour de 800 d'OPS et presque deux frappeurs de 30 circuits supplémentaires dans le club. Oui, Yasmani Thomas s'est trouvé encore une chance. Je veux dire, pour l'état-major, fallait que Yasmani Thomas offre des meilleures performances. Soit dit en passant, son jeu en défensive reste encore quand même assez douteux. Oui, c'est très douteux. Disons, c'est pas du tout un joueur de champ extérieur. Et à l'avant-champ, on a parlé de Jake Lamb, mais il y a, disons, un groupe là qui comprend Brendan Durie, Chris Owings, Nick Hammond, le nouvel arrivé Ketel Marte, et même le joueur d'utilité à vie qui s'appelle Daniel Descarceau, qui a quand même son bagage dans les majeurs. Tout ça, ça nous donne quoi finalement quand on veut avoir un peu de stabilité? C'est écoute, moi je me demande justement c'est quoi le message qu'on envoie à tous ces joueurs-là. On a Nick Hammett qui est un des meilleurs joueurs en défensive que j'ai vu, qui pourrait être un bon joueur d'utilité. On a Brendan Dorey, normalement qui devrait être un joueur régulier, mais on joue un petit peu à chaise musicale avec les Diamondbacks. Chris Owing va jouer on va partager le récord avec Chris Owing, Nick Hammett. Nick Hammett va venir faire les fins de match. Et le fameux Ketel Marte, moi je suis pas un grand fan, sauf que à 23 ans, semble-t-il qu'il était supposé devenir régulier assez vite à Seattle. Et là, on l'envoie finalement avec les Diamondbacks et il semble qu'il y ait de moins en moins d'avenir pour lui, en tout cas chez les Diamondbacks ou même dans le baseball majeur. On a quand même échangé Gene Segura pour aller chercher Ketel Marte. Puis Gene Segura a connu une excellente saison l'année passée. Il fait partie de l'élite des premiers frappeurs des majeurs. Je pense que Ketel Marte, disons que c'est cette année, c'est sa passe ou sa casse. C'est vraiment faut qu'il démontre que c'est un joueur qui est capable de jouer régulièrement, jouer 162 matchs. Mais encore là, c'est un drôle de message qu'on envoie au reste. Des joueurs d'avant-champ, des Diamondbacks, en allant chercher Ketel Marte, un jeune prospect qui n'a pas nécessairement beaucoup de puissance, un joueur rapide, bon en défensive. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs avec les Diamondbacks qui pourraient faire la job, qui pourraient... peut-être qu'on essaie d'instaurer un petit peu de compétition à l'interne, je sais pas. Je sais qu'il y a des joueurs qui vont faire des meilleures performances avec un petit peu de compétition à l'interne. Là, je trouve qu'il y a une certaine congestion. J'ai hâte de voir, disons, qui va jouer où, qui va être les joueurs réguliers. J'espère justement qu'on n'aura pas trop de comme on dit, des platoons. Oui, des substitutions systématiques. Donc, pour la première année de Mike Hazen à la tête de cette belle équipe-là, est-ce qu'on va réussir à jouer 500 clairement au-dessus ou au contraire, on va peiner à arriver au chiffre magique des 81 victoires? Moi, je pense que à l'attaque, on est sensiblement à la même place qu'on était l'année passée. Je peux pas croire que Zach Greinke et Robbie Ray auront pas des meilleures performances et Patrick Corbin auront pas des meilleures performances que l'année passée. Donc, je me dis, je les mets un petit peu meilleurs que l'année passée, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont jouer 500? Je me dis, oui, ils vont jouer 500, mais pas plus. Ben écoute, merci beaucoup Mathieu. On va se revoir pour la prochaine occasion avec une équipe, disons, la plus vieille de l'histoire des ligues majeures, c'est-à-dire les Braves d'Atlanta maintenant, mais qui ont commencé il y a plus de 130 ans à Boston. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir à passer à travers ça, des centaines d'années à réviser. Donc, que du plaisir. Ouais. J'ai hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathieu, puis à bientôt. À bientôt, bye. Voilà, c'est terminé pour cette première édition de BaseTime. Je vous invite à consulter notre page Facebook, la page de l'émission BaseCall, dans laquelle vous retrouverez toutes nos autres petites interventions, petites capsules, etc. Je vous invite aussi à nous écrire si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit. Vous pouvez nous rejoindre au basecall10@gmail.com. Je vous invite à nous revenir bientôt pour parler des Braves d'Atlanta.